le silence où tu viens t'écraser. Mais la nuit est trop belle pour tout laisser tomber. Tu te surprends à rêver, à rêver. Papillon aveuglé. Puis retour dans la piole de 10 mètres carrés où t'essayes de te situer. T'es tout seul dans ta vie avec vue sur l'armoire. Tu voudrais t'échapper. Derniers humanistes, ta dose d'espace, je suis le vent.